Esprit sur le vif. Écoutez. Mademoiselle, vous serait-il possible de faire réchauffer le biberon de mon bébé, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame, tout de suite. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Répétez. Mademoiselle, vous serait-il possible de faire réchauffer le biberon de mon bébé, s'il vous plaît? Mais bien sûr, madame, tout de suite. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. Écoutez. Allô, le théâtre de la ville? Oui. Je voudrais réserver des places pour le festival de jazz de novembre prochain. C'est impossible pour l'instant. La location commencera seulement le 1er septembre. Mais je vous conseille de ne pas trop attendre. Nous prévoyons que toutes les places seront louées dès la première semaine. Est-il possible de louer par correspondance? Non. On ne peut louer qu'en se présentant à la location. Répétez. Allô, le théâtre de la ville? Oui. Je voudrais réserver des places pour le festival de jazz de novembre prochain. C'est impossible pour l'instant. La location commencera seulement le 1er septembre. Mais je vous conseille de ne pas trop attendre. Nous prévoyons que toutes les places seront louées dès la première semaine. Est-il possible de louer par correspondance? Non. On ne peut louer qu'en se présentant à la location. Écoutez. Mais est-ce vraiment indispensable d'établir une réglementation valable pour toute l'année et pour toutes les régions? Pourriez-vous préciser votre idée? Par exemple, dans les régions où l'on fait du ski, les élèves pourraient ne pas avoir classe le samedi matin pendant l'hiver. Par contre, dans la région parisienne, les écoles pourraient fermer le samedi matin au printemps. C'est une très bonne idée qui mériterait d'être étudiée. Répétez. Mais est-ce vraiment indispensable d'établir une réglementation valable pour toute l'année et pour toutes les régions? Pourriez-vous préciser votre idée? Par exemple, dans les régions où l'on fait du ski, les élèves pourraient ne pas avoir classe le samedi matin pendant l'hiver. Par contre, dans la région parisienne, les écoles pourraient fermer le samedi matin au printemps. C'est une très bonne idée qui mériterait d'être étudiée.